Quand on laisse libre cours à la nature pécheresse, quand on n'use d'aucune contrainte à son égard, elle devient rapidement vile, méchante et redoutable. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comment va votre vie? La plupart répondront avec un court résumé expliquant où ils en sont avec le travail, la famille ou leurs finances. Ces choses décrivent bien sûr notre condition, mais ne résument rien en ce qui concerne l'aspect le plus important de notre existence, ce qui, en fin de compte, définit notre identité. Dieu nous a créés afin que nous entrions en relation avec Lui. Il évalue notre vie et il l'évaluera toujours uniquement en fonction de notre désir d'obéir à cet objectif. Aujourd'hui, Charles Stanley vous invite à examiner votre vie et à déplacer votre attention. Plutôt que de focaliser sur votre situation matérielle, concentrez-vous sur votre situation spirituelle. Voici Charles Stanley. Si on vous demandait où vous vivez, vous penseriez probablement à votre adresse. Or, si on vous demandait où vous vivez spirituellement parlant, que répondriez-vous? Connaissez-vous la réponse à cette question? Connaissez-vous votre pouls spirituel? Sinon, aimeriez-vous le tâter? En écoutant très attentivement l'enseignement d'aujourd'hui, vous découvrirez votre situation spirituelle grâce à un passage de la Bible. Et une fois que vous le saurez, vous serez à même de prendre une décision éclairée par rapport à cette question. Est-ce que je veux rester là? Ou est-ce que je veux atteindre un niveau supérieur de conscience spirituelle comme je n'en ai jamais vécu auparavant? Le message d'aujourd'hui s'intitule « Les niveaux de maturité spirituelle ». Car nous appartenons tous à une des trois dimensions décrites dans ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. De quoi l'apôtre Paul parle-t-il ici? Des niveaux de maturité de la vie spirituelle. Nous nous situons tous à un de ces niveaux. Et le premier de ces niveaux est celui que l'apôtre Paul appelle le niveau de l'homme naturel ou de la femme naturelle. C'est le degré de spiritualité le plus bas dans lequel une personne peut se situer. Révisons ce qui a été dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel méprise les choses de l'Esprit de Dieu. Elles n'ont aucune signification pour lui. Il ne peut discerner les choses de Dieu car elles doivent être comprises et évaluées selon des capacités spirituelles dont il est dépourvu. Il s'agit du niveau le plus bas qu'un être humain puisse expérimenter. C'est le niveau où les manifestations de la présence de Dieu paraissent une pure fantaisie. C'est pourquoi l'homme naturel traitera ces choses de folie ou de superstition, car il ne comprend pas la vérité spirituelle. Cette personne résiste à la vérité spirituelle, car pour elle, la seule sagesse valable est la sagesse humaine. Tout le reste est frivole et sans fondement. Mais si nous revenons un peu en arrière dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23, nous notons ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Au degré de maturité spirituelle le plus bas, c'est-à-dire celui où la spiritualité est inexistante, où les gens ne connaissent pas Dieu et n'acceptent pas personnellement Jésus-Christ comme leur sauveur, on remarque que la vie des chrétiens ressemble à celle décrite par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles n'ont aucun sens pour lui. Elles ne lui paraissent pas raisonnables. Elles sont irrationnelles pour lui, et surtout, elles ne cadrent pas dans son mode de vie. L'homme, dans cette situation, peut vivre sa vie comme il l'entend, sans aucun égard à la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu sont alors interprétés comme un obstacle à l'accomplissement de ses objectifs personnels. C'est pourquoi la personne qui vit à ce niveau refuse d'obéir à Dieu et refusera même parfois de reconnaître son existence. Pourquoi? Car il perçoit Dieu comme une menace à sa liberté. Il préfère considérer comme folles les choses qu'il ne comprend pas. C'est en effet uniquement par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Dieu décrit dans sa parole l'attitude d'une personne qui décide de vivre sans lui et qui se détourne de Jésus-Christ. Nous devons bien comprendre qu'un homme naturel n'est pas forcément une mauvaise personne à ses propres yeux ou aux yeux de son entourage. Il peut très bien se défendre en disant « Je suis une bonne personne. Je ne suis peut-être pas un chrétien, mais je rends service et les gens pensent du bien de moi. » Or, la question n'est pas de savoir ce que vous pensez de vous-même ou ce que les gens autour de vous pensent. La question est de savoir ce que Dieu pense de vous. Et voici ce qu'il pense de vous. Dieu affirme dans sa parole que si vous vivez dans cet état, vous ne le connaissez pas. Vous ne le désirez pas. Vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas reconnaissant du fait qu'il vous a créé. Vous ne le respectez pas, vous n'avez aucune foi en lui. Vous ne l'adorez pas, vous résistez à sa vérité et vous lui désobéissez. Vous êtes donc son ennemi. Voilà ce que Dieu déclare de vous. Vous ne pourrez pas me rétorquer. Vous avez votre opinion, votre façon de voir les choses, et moi, j'ai la mienne. Mon opinion n'a aucune importance. Et l'idée que vous vous faites de Dieu n'a aucune importance non plus. Vous pourriez penser que Dieu vous accueillera avec plaisir dans son paradis, même si vous avez vécu toute votre vie sans vous préoccuper de sa volonté. Or, je dois vous apprendre que c'est l'opinion de Dieu qui compte. Ce n'est pas la vôtre, ni la mienne, ni celle des gens autour de vous. Car un incroyant est incapable de vous voir comme Dieu vous voit. Ce ne serait pas naturel. Comment et pourquoi, en effet, voudriez-vous croire en un Dieu qui vous considère comme son ennemi? Vous ne le respectez pas, vous ne l'aimez pas, vous ne le désirez pas et vous résistez à sa vérité. Vous vous situez au degré spirituel le plus bas, c'est le niveau de l'homme naturel, celui qui vit sans Dieu. L'homme naturel ne veut pas adorer Dieu. La Bible affirme qu'il est l'ennemi de Dieu car il vit dans la désobéissance et la rébellion. Et toutes les choses que vous voyez autour de vous vous semblent naturelles car nous vivons dans une société qui fait tout pour rejeter Dieu et qui tente même de l'écarter de la place publique. Nous constatons le résultat chaque jour. Des choses qu'on aurait considérées comme impensables il y a quelques années sont maintenant non seulement tolérées, mais approuvées. La pensée de l'homme, laissée à elle-même, prendra plaisir à concevoir le mal, la méchanceté, la désobéissance, la rébellion, la violence, la perversion et toutes les infamies dont nous sommes témoins. Nous pouvons noter comment l'homme se comporte quand il n'a plus aucun respect pour Dieu et qu'il laisse libre cours à ses penchants et à son avidité. Il n'a plus aucune sensibilité ni aucune compassion. Actuellement, nous assistons, dans nos sociétés, à l'expression des penchants de l'homme naturel. Il arrive parfois que même les gens qui ne sont pas sauvés et qui ne sont pas chrétiens parviennent à contrôler certaines de leurs attitudes et de leurs actions. Or, quand une personne ou une société s'adonne totalement à la méchanceté et s'applique à faire le mal en refusant toute discipline et toute contrainte, nous subissons de plein fouet les conséquences. Et cette nature humaine débridée produit une société dans laquelle il ne fait pas bon vivre. Pouvez-vous imaginer une société dans laquelle tout le monde vivrait sans aucune loi, dans laquelle les gens n'oublieraient à rien d'autre qu'à leur penchant naturel? Pouvez-vous imaginer la peur? Regardez autour de vous. Nous nous dirigeons tout droit vers ce genre de société. Quelle relation un homme, dans une telle société, peut-il entretenir avec Dieu? Il ne connaît pas Jésus. Or, j'aimerais répéter que je n'aimais pas ma propre opinion, mais bien celle que la Bible énonce d'un tel homme ou d'une telle femme. Nous étudierons donc, pour souligner mes propos, plusieurs passages bibliques. D'abord, pour votre information, et puis pour votre défense. Si vous êtes chrétien, vous êtes probablement entouré de gens qui se considèrent eux-mêmes de bonnes personnes. Ils pensent probablement que Dieu les aime, même s'il est vrai qu'ils n'occupent pas une grande place dans leur vie. C'est pourquoi je tiens à vous procurer des munitions pour leur présenter la vérité, c'est-à-dire comment Dieu les voit vraiment. On peut comprendre qu'une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ puisse penser à tort que Dieu l'aime quand même. La question est de savoir si elle veut connaître ce que Dieu pense d'elle. Quel genre de relation une personne qui vit à ce niveau élémentaire entretient-elle avec Dieu? Bien sûr, elle ignore complètement qu'elle vit au niveau le plus bas, car elle considère sa vie selon des barèmes naturels. Son statut social, sa place dans la société, sa belle maison, sa belle automobile, sa sécurité financière. Or, la question est de connaître son niveau de maturité spirituelle. On peut vivre dans un château tout en étant spirituellement très pauvre. La position de l'homme naturel devant Dieu est très clairement décrite dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 17. Premièrement, l'homme naturel vit éloigné de Dieu. Il, en parlant de Jésus, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Deuxièmement, il est coupable devant Dieu, selon Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Troisièmement, il vit sous la condamnation de Dieu, selon Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quatrièmement, il vit sous la colère de Dieu, selon Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu considère l'homme naturel comme un étranger, selon Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Sa vie est une vie sans Dieu, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et sa vie sera pour l'éternité une vie sans Dieu, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quelqu'un pourrait dire, « Oh, vous savez, je crois en Dieu, je prie et je suis sûr d'aller au ciel parce que Dieu est bon et qu'il m'aime. » Si vous pensez cela, la question est encore de savoir ce que Dieu affirme à ce propos. Croyez-vous que Dieu vous aime? Fort bien, mais vous, aimez-vous Dieu? Et si vous l'aimez vraiment, n'êtes-vous pas intéressé à savoir ce qu'il pense et comment il considère les gens qui se situent à un degré de spiritualité très bas, c'est-à-dire qu'ils vivent au gré de leur propre nature? Voici ce que Dieu déclare. Tu es loin de moi, tu es coupable devant moi, tu vis sous ma condamnation, tu es comme un étranger ou une étrangère pour moi. je suis en colère contre toi. Tu vis présentement sans moi, et si tu continues sur cette voie, tu vivras sans moi pour l'éternité. » Il est trop facile de penser du bien nous-mêmes. L'important est donc de savoir ce que Dieu pense. Ce Dieu devant lequel je comparaîtrai un jour en jugement de ma vie. Que pense-t-il de moi? La plupart des gens se situent au degré le plus bas de spiritualité, au niveau naturel. Leur nature est caractérisée par le péché. Nous sommes témoins des conséquences de cette nature pécheresse partout dans le monde. Les décisions de l'homme naturel sont prises en fonction de son mode de vie et de sa façon de penser. Cette façon de penser est typique des gens qui vivent au niveau primaire de la spiritualité. L'homme naturel s'oppose à la loi de Dieu, à sa volonté, à ses voies, à sa vérité et à son plan pour sa vie. Il se contente de survivre du mieux qu'il peut en société en résistant à l'objectif et au plan de Dieu pour sa vie et en tâchant d'arriver à ses propres fins. Il doit trimer pour y arriver financièrement et pour entretenir ses relations. Il essaie toujours de s'arranger par ses propres moyens parce qu'il a décidé de ne pas compter sur Dieu. Il a pris la décision de vivre dans les bas-fonds de la condition humaine. Et toute la richesse, toute la popularité, toute la gloire, toute la prééminence et tout le prestige des hommes ne suffiront pas à le sortir de ce triste état. Car le seul moyen de sortir de là est d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Or, un tel homme essaie de ne pas s'attarder sur son attitude, ses relations ou sa condition pécheresse. Il n'a aucun espoir pour sa vie. Sa destinée éternelle est de demeurer séparé de Dieu. Or, il n'est pas seul dans cette condition. La société dans laquelle il vit n'est en effet jamais à court d'alcool, de pilules et de plaisirs futiles pour l'anesthésier et lui faire oublier le vide de son existence. Dépêchons-nous donc de quitter la tristesse de ces lieux putrides où vivote l'homme naturel. Ne le jugeons pas, car rappelons-nous que nous faisions autrefois partie de ce nombre, et si nous avons pu sortir de ces lieux, ce n'est pas par nos propres forces, mais parce que Dieu a eu pitié de nous. Nous pouvons à présent monter à l'étage supérieur, toujours en considérant la description présentée dans la parole de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ces choses révélées par l'Esprit de Dieu sont, comme l'explique le verset 9, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et le Saint-Esprit, une des trois personnes de la Trinité, connaît certainement la pensée de Dieu le Père, aussi bien que celle de son Fils. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Examinons maintenant ce que Dieu nous dit par la bouche de son prophète Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous n'aurions jamais pu comprendre la volonté de Dieu et son plan pour notre vie s'il ne nous les avait pas révélés. Mais si nous résistons à la vérité de Dieu, nous résistons à quelque chose d'essentiel, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit est tout à fait disposé à nous indiquer sa volonté, à nous aider à prendre de bonnes décisions, à nous enseigner la sagesse concernant nos finances, notre famille, nos enfants et l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu est prêt à s'impliquer dans notre vie et il désire le faire. Étudions le verset suivant, verset 13. Et nous en parlons, Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous pouvons sauter le verset suivant qui parle de l'homme naturel. Lisons le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu constitue une énigme pour le non-croyant. Pourquoi allez-vous à l'Église deux ou trois fois par semaine? Pourquoi donnez-vous le dixième de votre salaire à une religion? Pourquoi lisez-vous ce vieux livre? Pourquoi passez-vous tout ce temps à parler de quelqu'un que vous ne voyez pas et qui n'existe sans doute pas? Voilà où se situe la frontière entre la sagesse humaine et la sagesse spirituelle. Continuons notre lecture du deuxième chapitre de la première épître aux Corinthiens, verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Voilà comment la Bible décrit le niveau supérieur de la vie spirituelle. Dieu veut que nous parvenions tous à ce niveau, car en lui se trouve le meilleur de ce que la vie nous réserve. Dieu veut que nous occupions cet espace parce qu'il nous aime. L'attitude de l'homme spirituel est contraire à celle de l'homme naturel qui résiste à la vérité de Dieu. Il ne comprend pas en effet les choses de Dieu et il évalue sa vie selon ce qu'il peut voir. L'homme spirituel, au contraire, désire connaître la vérité. Il applique la vérité à sa vie et il est impatient de témoigner de cette vérité. Voilà où se situe la différence. L'existence à cet étage supérieur est imprégnée de la relation du croyant avec Dieu. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous croyons que sa mort au calvaire a expié notre péché. Et nous savons que ce péché a été pardonné. C'est pourquoi nous marchons dans la merveilleuse assurance du pardon éternel de Dieu. De plus, nous avons été scellés par le Saint-Esprit de la promesse qui est venu habiter en nous, comme la Bible le mentionne à plusieurs reprises. Nous sommes fiers d'appartenir à Dieu et d'être appelés ses enfants. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment Dieu nous a-t-il rachetés? Avec le sang de son Fils, Jésus-Christ, au calvaire. Et qui sommes-nous maintenant? Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu, comme nous l'étions lorsque nous entions le niveau inférieur. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés dans le royaume de Dieu, où nous avons été transportés et transplantés. Nous sommes maintenant les amis du Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, mais unis à lui. Nous avons maintenant la pensée du Christ. Nous ne sommes plus dominés par une nature pécheresse, mais Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vit maintenant en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Ce dernier libère la vie du Christ en nous afin que nous ne vivions plus par nos propres forces, mais par sa force et sa puissance. C'est pourquoi nous sommes maintenant capables d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, de demeurer dans le calme et la paix quand les problèmes s'accumulent, d'éprouver de la joie sans que les circonstances nous y poussent, d'être satisfait au milieu de la privation et de vivre dans la confiance. Nous savons que Dieu contrôle la situation. Nous savons que personne ne peut rien nous enlever sans que Dieu le permette. Il pourvoira à tous nos besoins, comme nous l'affirme Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous savons également que nous pouvons faire tout ce que Jésus nous demande de faire. Et nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, car Dieu le tient entre ses mains. Et ce n'est pas seulement le lendemain qui appartient à Dieu, mais toute l'éternité. Nous n'avons donc pas à nous soucier de ce qui nous arrivera après la mort, car nous le savons déjà. La parole de Dieu affirme que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi. Et je pose la question à tous mes auditeurs. Pourquoi survivre au niveau inférieur de la vie quand nous pouvons vivre au sommet? Pourquoi vivre aujourd'hui sans assurance, sans confiance et sans espoir pour se retrouver un jour devant Dieu à rendre compte d'une vie passée dans la futilité du péché? Vous aurez beau continuer à nier la vérité, à résister à Dieu et à ne pas croire en lui, cela importe peu. Vos croyances n'ont aucune importance. Mes croyances n'ont aucune importance. Seul compte la parole de Dieu. Dieu veut entretenir une relation personnelle avec nous par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre seul espoir. Il est notre seul espoir. Je ne parle pas ici de pratiquer une religion ou je ne fais pas référence à une famille d'église. Quelle est donc la condition des enfants de Dieu? Sommes-nous parfaits? Loin de là! Or, notre vie est sous la domination de l'Esprit de Dieu. Nous obéissons donc à Dieu. Et quand il permet l'adversité, la souffrance, les difficultés, les peines et les blessures dans notre vie, nous les supportons car nous savons qu'il nous donnera la force de triompher. Nous aurons nos chagrins, nos déceptions, nos larmes et nos moments de découragement, mais nous savons que Dieu nous aidera, car Jésus est désormais notre ami, et cela pour toujours. Comme l'a expliqué Charles Stanley dans l'émission d'aujourd'hui, Dieu veut nous voir vivre en harmonie avec lui. Il est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons décider de nous engager à lui obéir. C'est pourquoi nous devons nous en remettre quotidiennement au Saint-Esprit afin qu'il nous dirige. En effet, Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes et nous a laissé son Saint-Esprit pour qu'il nous dirige, comme l'affirme le psaume 31, versets 2 et 3. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Ayons la foi. » L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.